Unité 4. 2B. C'est quand même incroyable qu'on ne puisse pas sortir de ces réseaux. Une fois qu'on y est, on est condamné à y rester. Vous savez qu'il y a sur la toile plein de comptes de personnes qui sont déjà mortes depuis des années ? Statistiquement, on a tous invité un fantôme à être ami avec nous. D'accord, Dani, mais il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas ça le problème. Tu sais très bien qu'en quelques clics, tu peux décider de ton statut et de l'accès à ton profil. Mais non, Claire, je ne te parle pas de ça. Tu as bien vu, on n'a quasiment aucun contrôle sur notre identité numérique. Ce n'est pas encore aujourd'hui que je vais ouvrir un compte. T'es pas d'accord avec moi, Nico ? Moi, j'en ai déjà un de compte, mais je ne le consulte que pour avoir des nouvelles de mes amis, qui sont loin. J'y mets très peu de choses, finalement, et je fais attention. Ben, moi, je ne peux pas m'en passer. Tout passe par ça. Mes sorties, mes contacts, les infos qui m'intéressent. Et ça ne vous dérange pas que toutes vos informations personnelles soient revendues à des entreprises ? Si, c'est vrai. Je n'aime pas trop être considéré uniquement comme un consommateur. Moi, j'assume. Après tout, quand je reçois des publicités ou des offres intéressantes, j'en profite.